Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, celui qui tient les sept étoiles en sa main droite, et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, dit ces choses. Je connais tes œuvres, ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux souffrir les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent être apôtres, et ne le sont point, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as souffert, et que tu as eu patience, et que tu as travaillé pour mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ta première charité. C'est pourquoi souviens-toi d'où tu es déchu, et t'en repens, et fais tes premières œuvres, autrement je viendrai à toi bientôt, et j'ôterai ton chandelier de son lieu, si tu ne te repens. Mais pourtant tu as ceci de bon, que tu as les actions des Nicolaïtes, lesquelles je ai, moi aussi. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne, le premier et le dernier, qui a été mort, et qui est retourné en vie, dit ces choses. Je connais tes œuvres, ton affliction et ta pauvreté, mais tu es riche, et le blasphème de ceux qui se disent être juifs, et qui ne le sont point, mais qui sont la synagogue de Satan. Ne crains rien des choses que tu as à souffrir. Voici, il arrivera que le diable mettra quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra, sera mis à couvert de la mort seconde. Écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, dit ces choses. Je connais tes œuvres, et où tu habites, savoir, là où est le siège de Satan, et que cependant tu retiens mon nom, et que tu n'as point renoncé ma foi, non pas même lorsqu'Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort entre vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu en as là qui retiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël, afin qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à la fornication. Ainsi tu en as, toi aussi, qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi, autrement je viendrai à toi bientôt, et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne qui est cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou sera écrit un nouveau nom, que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire, le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain très luisant, dit ces choses. Je connais tes œuvres, ta charité, ton ministère, ta foi, ta patience, et que tes dernières œuvres surpassent les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu souffres que cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne, et qu'elle séduise mes serviteurs, pour les porter à la fornication, et pour leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît de sa prostitution, mais elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la réduire à garder le lit, et mettre dans une grande affliction, ceux qui commettent adultère avec elle, s'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront, que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais je vous dis à vous, et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui n'ont point cette doctrine, et qui n'ont point connu les profondeurs de Satan, comme il parle, que je ne mettrai point sur vous d'autres charges. Mais retenez ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne. Car à celui qui aura vaincu, et qui aura gardé mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Et il les gouvernera avec une verge de fer, et elles seront brisées comme les vaisseaux d'un potier, selon que je l'ai aussi reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises.